Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Jean Talon, premier véritable intendant de la Nouvelle-France. Vous savez, il y a des témoignages de l'époque qui le présentent comme l'incomparable intendant. Et qu'est-ce qu'il a fait, Talon? Il a organisé, il a structuré la colonie, il a établi des bases, il a mis de l'ordre partout, il a préparé un plan de développement, il a préparé un plan d'avenir. Je crois que Talon, il a fait passer la Nouvelle-France du temps de l'enfance à celui de l'adolescence. L'historien Jacques Mathieu, à l'émission Au fil du temps en 1993, cette formidable impulsion que donne Jean Talon à la Nouvelle-France quand il en est l'intendant va malheureusement un peu tomber à plat après son départ. Au moment où Jean Talon quitte la colonie, le roi Louis XIV se désintéresse de la Nouvelle-France, qui se retrouve en quelque sorte laissée à elle-même. L'année 1663 marque un tournant important pour la France, mais aussi pour la Nouvelle-France. Le roi Louis XIV, âgé de 25 ans, décide de gouverner personnellement son royaume. « L'État, c'est moi », dit-il. La Nouvelle-France n'échappe pas au changement. L'autorité du roi est représentée par un conseil souverain composé d'un gouverneur, de l'évêque de Québec, de quelques conseillers et d'un intendant, Jean Talon. Jean Talon arrive à Québec le 12 septembre 1665. Il a reçu du roi une commission d'intendant de justice, finances et police. Ses droits et ses devoirs forment un ordre de mission très précis. En voici un court résumé, mais qui en dit long. Siéger au conseil de guerre, entendre les plaintes qui vous seront faites sur tous, excès, tort et violence, leur rendre bonne et brève justice, nous informer de toute entreprise, pratiques et menées faites contre notre service, procéder contre tous les coupables, juger souverainement seul en matière civile. Extrait de la télésérie de Gilles Carl, Épopée en Amérique, diffusée en 1993. C'est la comédienne Sophie Fauché et l'historien Jacques Lacourcière que vous entendiez dans cet extrait. Pour nous parler de la très grande importance qu'aura Jean Talon comme intendant de la Nouvelle-France, je reçois l'historienne Catherine Ferland, qui travaille actuellement en collaboration avec Dave Corriveau à l'écriture d'un livre sur Jean Talon, livre qui devrait être publié prochainement. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Jean Talon, il est, Catherine Ferland, à la fois, on le connaît, donc connu et méconnu au Québec. Quelle importance il a eu réellement dans notre histoire, dans l'histoire de la Nouvelle-France? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été le premier intendant nommé à venir ici. Oui. Non pas le premier nommé en tout et partout, parce qu'il y en a eu un précédemment, mais qui n'est jamais venu ici pour toutes sortes de raisons. Donc, premier véritable intendant qui se présente ici, qui arrive animé d'une, je dirais, d'un agenda très, très chargé, très touffu. On l'entendait un petit peu dans la description de sa commission d'intendance. Donc, il arrive ici avec énormément d'idées, de volonté et d'énergie pour développer la colonie à sa juste valeur. Et il y a, c'est important dans l'équation... Il va lui-même donc donner une forte impulsion à ce que va devenir la colonie. Il est là pour la développer, mais il y a une volonté politique à ce moment-là. Ça, absolument, c'est important. Et ça paraît dans son mandat. On lui dit, tu t'en vas là-bas, mais on compte sur la Nouvelle-France. On veut que tu développes cette colonie. Tout à fait, parce que la Nouvelle-France compte comme une des provinces françaises, hein, pour les gens de la cour, pour Louis XIV. De la même manière qu'il envoie des intendants dans toutes ces provinces françaises, on est vraiment dans un grand développement de l'intendance comme structure administrative. Bien, alors, ça tombe sous le sens qu'on envoie aussi quelqu'un au Canada pour régler les problèmes ici. Donc, pourquoi est-ce Jean Talon qui est choisi comme premier véritable intendant de la Nouvelle-France? Pour le comprendre, il faut probablement parler d'abord, Catherine Ferland, du Jean Talon d'avant la Nouvelle-France. Tout à fait. Jean Talon, lui, s'inscrit dans une grande famille d'administrateurs, de gens qui sont très impliqués dans la magistrature, la cléricature et même l'Église. C'est quelqu'un qui vient d'une famille qui a de nombreuses branches, entre autres à Paris, une branche également en Champagne, à Châlons en Champagne, et c'est de cette branche-là chalonnaise que provient Jean Talon. Donc, Jean Talon naît en début janvier 1626 et il est le 10e enfant de 12 enfants et, son père est avocat et magistrat, donc il est déjà très bien positionné pour, je dirais, se glisser dans l'appareil administratif. Et c'est ce qu'il va faire après des études chez les Jésuites du Collège de Clermont, qui est devenu le lycée Louis-le-Grand à Paris. Donc, Talon va s'intégrer dans les rouages administratifs de la France. Oui. Il va travailler, entre autres, pour défendre les frontières avec, par rapport à l'Espagne. Il y a tout ce conflit qui enserre la France entre les colonies espagnoles. Et, bon, c'est un peu difficile. Alors, il est envoyé, on pourrait dire, au front. Oui. Il entre comme intendant des armées auprès de Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Et c'est comme ça qu'il fait ses premières classes à l'âge de 27 ans. Là, il entre comme ça dans la fonction publique, pourrait-on dire. C'est vraiment les balbutiements du développement étatique à l'époque. Et se fait une réputation au fil du temps. Et se fait une réputation, une excellente réputation. Très rapidement, on se rend compte qu'il a de grandes qualités logistique. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est capable d'avoir une vue d'ensemble et de très rapidement détailler, bon, OK, ici, on a un problème, comment le résoudre et de mettre en place les mécanismes pour y parvenir. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est, on va le dire, là, il est repéré comme quelqu'un de très capable. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on cherche dans le contexte, éventuellement, d'envoyer quelqu'un outre-mer. Alors, quand il débarque en Nouvelle-France, dans quel contexte il débarque? Où en est cette colonie? Où en est la Nouvelle-France au moment où Talon y arrive? C'est une situation qui n'est pas très bonne, il faut le dire, parce que la situation de la colonie au début des années 1660, il faut se plonger dans un contexte où, bon, d'une part, il y a très peu de monde ici. La Compagnie des Cent Associés, qui avait ce mandat de coloniser, d'amener du monde ici, en contrepartie des monopoles, n'a pas rempli sa part du marché. Oui. Hein? Donc, on a très, très peu de monde. On a des jésuites, on a des religieux, on a des militaires un peu, des gens qui viennent faire la traite, mais d'abord très peu de femmes et très peu... En fait, la compagnie ne s'intéresse pas à développer la colonie. On s'intéresse au commerce de la fourrure, c'est tout. Absolument. Ouais. Donc, c'est vraiment... On perçoit la Nouvelle-France du point de vue de la Compagnie des Cent Associés comme une vache à lait. Ouais. Hein? Et on n'est pas du tout intéressé à mettre les efforts qu'il faudrait pour développer réellement une population ici, faire monter la démographie à la hauteur du territoire qu'on a occupé. Donc, situation où il n'y a à peu près pas de monde, économie qui n'est pas très forte non plus. Non. Et puis, évidemment, les tensions. Parce que ça, même le roi Louis XIV en tient compte. Oui. Quand il décide d'envoyer Talon ici, les tensions avec les Iroquois. Là. Tensions qui sont de deux ordres. Les Iroquois, effectivement, donc les populations amérindiennes autochtones qui se défendent à bon droit contre ce qu'on considère comme une agression territoriale. Et on a cette dynamique-là qui est très présente à ce moment-là en Nouvelle-France, particulièrement dans la région de Montréal. Donc ça, c'est une préoccupation, c'est une tension. Il y en a une autre, c'est celle, justement, qui découle du fait qu'on est très peu nombreux et on sent très bien la pression qui nous vient des colonies du Sud, des colonies anglaises qui, déjà à cette époque, ont beaucoup plus de monde, sont déjà beaucoup plus développées, mieux structurées aussi. Alors, on sent un peu de partout ce danger-là, ouais, au quotidien, parce qu'on craint les raids iroquois, mais même un petit peu plus à long terme, en se disant, bon, si on veut faire quelque chose, faisons le bien, et de toute évidence, il faut réagir maintenant. Ouais. Donc, Talon a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche quand il arrive ici. On écoute un extrait, à nouveau Jacques Mathieu, à l'émission Au fil du temps, 1993, qui nous remet tout ça dans le contexte, qui nous parle de cette mission vraiment colossale qui attend Jean Talon à son arrivée en Nouvelle-France. Le mandat, il est double, triple. Il est le mandat de tout intendant, de responsabilité, de justice, de police, au sens du bien-être de la population, et de finances. C'est aussi un mandat de développement, de réorganisation du territoire. Il faut voir que la Nouvelle-France était jusque-là en difficulté assez considérable avec les guerres, avec les Iroquois, le commerce des fourrures est entravé, la situation économique est extrêmement difficile. D'autre part, en France, le roi Louis XIV venait de prendre en main les destinées du royaume et il avait décidé d'assumer lui-même l'avenir de son royaume et de ses colonies. Et il veut développer donc un royaume puissant, rayonnant, productif. Et on choisit donc un bonhomme qui saura rencontrer ces objectifs-là, organiser, structurer la Nouvelle-France, en faire une colonie qui contribue à la force et à la puissance du royaume. Alors, quand Louis XIV envoie Talon en Nouvelle-France, on le comprend très bien en écoutant cet extrait, Catherine Ferland, le roi veut développer la colonie, veut en fait qu'elle contribue, cette Nouvelle-France, au rayonnement et à la bonne fortune de tout le royaume de France. À quoi doit donc s'attaquer Talon et qu'est-ce qu'il fait quand il débarque chez nous? Eh bien, quand Talon arrive, après une traversée de 117 jours, et c'est inimaginable de nos jours de penser aux conditions de cette traversée-là, mais bon, il arrive le 12 septembre, enfin. Il a eu le temps à bord de faire connaissance avec le futur gouverneur, qui est Daniel de Rémy de Courcelles. Donc, ces deux hommes-là qui étaient sur le même navire ont pu échanger un peu aussi. Talon, on peut le supposer, on n'en a pas la preuve, mais il a sans doute lu les récits de voyage, il a sans doute lu les relations des jésuites pour se faire, comme on dirait trivialement, une tête sur le mandat. Donc, mais, le voyage de Jacques Cartier. Oui, le voyage de Jacques Cartier, ouais. Les récits de Champlain. Ouais. Il y a quand même déjà plusieurs écrits qui ont été produits au moment où Talon met le pied enfin ici. Mais disons que je peux imaginer l'émotion de l'homme, hein, mm-hmm. parce qu'il faut se rapporter après cette traversée incroyable quand il arrive. Eh bien, tout est à faire. Il arrive et c'est une bourgade de quelques maisons. Il y a très, très peu d'éléments propres à développer quelque chose. Donc, il voit, je pense, immédiatement l'ampleur de ce qu'il a à faire. Et donc, il prend quelques jours pour se refaire une santé. Hein, et il fait une visite aux Ursulines, il va voir son logis de fonction, il s'installe et se met immédiatement au travail parce qu'on le sait, il fait un premier rapport à l'intendant, à Colbert plutôt, très, très rapidement là, après son arrivée, en lui détaillant point par point, qu'est-ce qu'il entend faire ici, en Nouvelle-France. Et il comprend. C'est sa mission, c'est son mandat, mais en fait, tout est à faire. Il a une vision, puis on va y revenir dans quelques minutes, une vision de développement économique assez claire, assez même audacieuse, oui. Talon. Mais au-delà de ça, il doit mettre des structures de gouvernance en place. C'est ça, sa première mission. Oui, parce qu'il n'y a rien vraiment d'assuré. Il y a déjà un gouvernement, il y a déjà un gouverneur qui représente la personne du roi. Mais, Charles-Hugues de Montmagny a fait déjà des choses dans la colonie avant l'arrivée de Talon. Mais quand même, tout ce qui est l'administration de la justice, par exemple, on n'a pas de vision non plus de développement. Les gens arrivent au compte-gouttes sans vraiment réfléchir à, on aurait besoin de davantage de charpentiers, par exemple. Il n'y a pas cette réflexion de développement, on pourrait dire presque urbanistique aussi, qui n'est pas là du tout. Donc, quand Talon arrive, tout ça est à faire et c'est à ça qu'il va s'attaquer en premier. Mais son premier grand défi, puis vous en avez parlé il y a quelques minutes, c'est qu'il n'y a personne ou à peu près dans cette colonie-là, c'est d'amener du monde. Et on ne peut pas faire une émission sur Jean Talon sans parler des filles du roi. Les premières arrivent avant lui en Nouvelle-France, mais c'est vraiment sous son impulsion, sous Jean Talon, que se développe cette politique-là, cette politique de peuplement associée à l'avenue des filles du roi. On écoute à nouveau un extrait de la série « Épopée en Amérique ». Vous allez entendre dans cet extrait les historiens Jacques Lacourcière et Hélène-André Bizier. Arrivé ici, il arrivait souvent que les filles, en moins de 15 jours, trouvent un mari parce que les gars célibataires se rendaient soit à Québec où le bateau arrivait, ou lorsque les filles ne trouvaient pas mari, elles allaient à Trois-Rivières, à Montréal, chez les religieuses. Et là, les célibataires se présentaient parce que les célibataires qui ne se mariaient pas risquaient fort, de par une ordonnance de Jean Talon, d'être privés du droit de faire la traite et du droit de chasse. Et l'amour avait pas de place, non, bien qu'on peut observer qu'il y a du respect entre les époux. Ces filles veulent épouser quand même un homme qui a du bien. Un homme qui est établi et pas un ivrogne, un coureur de jupons ou un coureur des bois. Elles veulent quand même prendre parier sur un homme valable parce que c'est leur avenir qui se joue en 15 jours. Alors, c'est sous Jean Talon, à Catherine Ferrante, la politique des filles à marier, celle qu'on va appeler les filles du roi, va se développer. De fait, c'est l'une des grandes priorités de Jean Talon quand il arrive ici. Et il va réussir son coup. Les chiffres le montrent. Comment va-t-il réussir, justement, à peupler cette colonie-là? Bien, tout d'abord, il prend la mesure de ce pays en faisant réaliser des recensements. Et ça, c'est probablement plutôt la première étape pour être capable de dire, qu'est-ce qu'on a sous la main et qu'est-ce qui manque? Oui. Et évidemment, c'est criant le manque de femmes. Donc, dès les recensements de 1666 et 1667, qu'il fait faire, et je le cite, pour mieux connaître la véritable force et les différents métiers de ces colons. Donc, suite à ça, il est capable de dire, OK, maintenant, on va mieux structurer le programme d'immigration, que ce soit à travers les engagés et évidemment les filles à marier. Il envoie des missives en France pour dire, écoutez, on paraphrase, là, mais cessez d'envoyer des Parisiennes de la ville qui ne savent rien faire. Ça nous prend des femmes de la Bretagne, de la Normandie, qui savent y faire avec un champ, une ferme, planter un potager. Un dur pays. Mais oui, donc envoyez-nous des gens qui sont capables, pas seulement des femmes qui sont capables de broder. Ouais. Et il a cet esprit pratique de dire, voilà, ce dont la colonie a besoin, c'est ceci, cela. Donc, en termes de filles à marier, déjà, il va poser les bases claires qui vont finalement déterminer ce qui va nous arriver ici en tant que fille à marier, bon, à partir des années 1666-67 et jusqu'en 1673. Ouais. Il y a aussi, il faut le dire, on ne l'a pas dit, mais dans, ça va compter dans l'équation du peuplement. Quand il arrive, Talon, en Nouvelle-France, après ce long voyage très pénible de 117 jours, il y a des militaires avec lui. Le régiment du Carignan est envoyé aussi. Ça fait partie de ce que Louis XIV veut faire, c'est d'envoyer un bon intendant, un nouveau gouverneur, des militaires. Des militaires, ils vont participer. C'est ces hommes-là, en partie, qui vont marier ces filles du roi. Oui, en partie, puisque, bon, une fois leur mission de défense contre les raids iroquois accomplie, ces hommes-là sont incités très fortement à s'installer. On va leur faciliter les choses aussi. Hein. On va concéder des terres. Donc, Talon va s'assurer que ces personnes puissent s'installer, marier les femmes à marier, avoir une terre à exploiter. Dans le cas des officiers, on va souvent leur concéder des seigneuries. Oui. Hein, on le sait, là, les seigneuries de Saint-Ours, Contrecoeur et tout ça, ce sont des anciens officiers du régiment de Carignan-Salière. Donc, on a cette volonté de profiter de toutes les opportunités possibles pour développer la colonie. Politique incitative, mais aussi, en guillemets, punitive. Oui. Jacques Lacourcière l'évoquait un peu. Il y a même un système d'amende, là. Si les hommes ne se marient pas, ils perdent des droits, en fait. Tout à fait. C'est la carotte et le bâton. Hein, ouais. Parce qu'on punit ceux qui... par exemple, un père de famille dont les fils ne sont pas mariés à l'âge de 21 ans va recevoir des amendes. Si la fille de 17 ans n'est pas mariée, même chose. Les jeunes hommes qui désirent aller faire la course des bois doivent se rapporter, doivent être mariés, doivent revenir au foyer. Il y a vraiment cette obligation presque maritale qui va prévaloir dans la colonie. On va donner aussi des primes. Hein, 300 livres pour le 10e enfant, 400 livres pour le 12e. Donc, c'est vraiment une politique de natalité très, très active. Et ça va marcher. Les chiffres le montrent. Oui, et ça marche. On sait qu'au moment où il arrive ici, en tout et partout, dans l'ensemble de la Nouvelle-France, on a à peu près 3200 personnes. Et quand il a terminé son mandat, on est rendu à plus de 7600. Ouais. Donc, c'est un bond phénoménal. Il double la population, oui. Hein, même plus. L'une des missions, on l'a un petit peu évoqué, qui va lui tenir à cœur beaucoup, c'est le développement économique, qui va passer par les ressources, par l'agriculture. Mais il y a vraiment... Mais aussi, il a cette idée, j'allais dire, un peu folle. Puis ce sera une réussite... ce sera plus un échec qu'une réussite. Mais il y a plein d'idées de développement d'industrie, Talon. Oui. Il faut se remettre dans le contexte, là. Il n'y a presque rien ici. Et pourtant, il a des idées de brasserie. Enfin, parlez-moi de cette vision qu'il a du développement économique de la colonie. En fait, Talon, c'est intéressant parce qu'il arrive avec un mandat de développement, effectivement, de développement économique, et il va se montrer très, très audacieux, très homme d'affaires, on pourrait dire. Il va lui-même détecter quelles sont les opportunités. Il va faire de la prospection minière pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'un filon intéressant. Il va faire importer des animaux, des semences pour démarrer une agriculture plus extensive, plus productive, plus efficace. Il va aussi inciter les habitants à se mettre à la culture de textiles comme le chanvre, le lin. Donc, le chanvre qui est très, très utile dans l'industrie navale pour faire les cordages, pour faire les voiles, c'est une fibre imputrescible. Donc, pour prendre la mer, c'est indispensable d'avoir du chanvre. Et Talon se rend compte que c'est facile de le faire pousser ici. Le lin pour s'habiller, évidemment, il fait venir des métiers à tisser et tout ça. Donc, il s'assure de diversifier énormément la colonie, peut-être en faisant le pari que, bon, si l'une des industries ne fonctionne pas, au moins, il y aura toutes les autres pour prendre le relais. Et c'est vraiment ce qu'il va faire. Tout ça dans un contexte, il faut le rappeler, où on est quand même en plein colbertisme. Donc, on a une volonté de la France de dire, oui, développez-vous, mais c'est pour nous fournir. Ouais. Hein? On ne veut pas que vous soyez trop indépendants non plus. Donc, il y a cette double mission-là à travers laquelle il doit quand même naviguer. Ce n'est pas évident comme mandat. Puis le succès, c'est qu'il va la développer, la colonie, pendant qu'il va être là. L'échec, c'est que... puis bon, une partie de l'échec appartient à Paris, après le retour de Talon en France, mais beaucoup de ces industries-là vont mourir de leur belle mort, en fait. Malheureusement, plusieurs de ces industries-là vont péricliter, effectivement, après le départ de Talon. Donc, Talon part vraiment définitivement de la colonie à la fin, au début des années 1670. Et tout ce qu'il avait mis en place après quelques années, ben, c'est triste à dire, mais ça tombe en ruine. Ouais. La potasserie, la brasserie qu'il a fait installer également va être reconvertie en palais de l'intendance. la construction navale, ça va un peu mieux quand même. On va pouvoir faire perdurer ça. Mais tout ce qui est, bon, chapellerie, cordonnerie, goudronnerie, ça tombe un petit peu à l'eau, là, malheureusement. Donc, Talon, il faut le dire, va faire deux séjours en Nouvelle-France. Il il veut repartir en France. Il insiste beaucoup auprès du ministre Colbert. Donc, en 1668, il est rapatrié, il est ramené en France. Il revient, après insistance de Colbert et de Louis XIV, il revient en Nouvelle-France en 1670 pour un deuxième mandat. De quoi sera fait? Parce que c'est très différent, son deuxième mandat. Comment le caractériser, le deuxième mandat de Talon en Nouvelle-France, Catherine Ferland? C'est certain qu'il consolide ce qu'il a mis en place lors de son premier mandat, mais il y a une grande nouveauté ici, c'est vraiment le développement de l'exploration du territoire nord-américain. Donc, il se rend compte de... si on lui confie le mandat de développer un empire français en Amérique, bien, encore faut-il qu'il y ait du monde un peu partout et qu'on sache de quoi est fait ce continent-là. Alors, il va envoyer, par exemple, Cavelier de la Salle vers l'ouest, vers la mer de Chine. Il va envoyer François Daumont de Saint-Luçon vers le lac supérieur, le père Albanel et Saint-Simon vers la baie d'Hudson, Louis Joliette et le père Marquette vers le Mississippi. Donc, on va vraiment essayer de développer tout azimut, ce qui fait qu'en quelques années, pratiquement les trois quarts du continent nord-américain, là, je mets de gros guillemets, appartiennent à la France ou relèvent de l'autorité royale française. Et en ce sens-là, vraiment, Talon accomplit son mandat. Mais il faut quand même préciser que disons, ça froisse un petit peu les plates-bandes du gouverneur parce que ça ferait davantage partie du mandat du gouverneur de développer, de prévoir ces explorations-là. Alors, ça aussi, ça va contribuer à certaines tensions qui peut y exister là, entre l'intendant et les autres membres de l'administration. Mais cette nouvelle France continentale, c'est vraiment Talon qui la développe. Il rentre définitivement en France en 1672. Il sera dans l'entourage du roi très, très bien vu, très bien protégé. Que devient la que devient la Nouvelle-France après que Talon soit rentré en France? En fait, si on fait le bilan et le legs de Jean Talon en Nouvelle-France, on voit que c'est assez gros, mais c'est peu durable, malheureusement. Donc, il a eu une influence déterminante à ce moment-là de la colonie, à la jonction entre ce que Jacques Mathieu te parlait tout à l'heure là, d'enfance et d'adolescence. Mais quand on regarde les réussites, bon, oui, la hausse démographique, ça, c'est évident, ça a fonctionné. Il y a une occupation beaucoup plus rationnelle du territoire également et une meilleure connaissance de l'ensemble du territoire nord-américain. Là, on voit tout le pragmatisme et l'efficacité de notre homme. Par contre, il y a des déconvenues. Presque toutes ces industries vont tomber après son départ par manque de soutien de la métropole. Et il y a des administrateurs coloniaux qui vont suivre, qui ne voient pas du tout la nécessité de continuer à pousser sur ces industries-là. Oui. Donc, les intendants qui vont lui succéder, il y a tout un intérim qui va être fait par Louis de Buade de Frontenac en tant que gouverneur qui assume un peu les deux mandats. Il y a plein de choses qu'il va laisser aller parce que pour lui, ça ne l'intéresse pas de voir les colons planter du lin, par exemple. Donc, ça va malheureusement tomber à l'eau. Et plusieurs dizaines, centaines d'années plus tard, on peut se demander, est-ce que ces industries-là, Talon, n'avaient pas été tout simplement un peu trop visionnaires? Oui. Parce qu'on regarde ce qui se passe ensuite, 19e, 20e siècle, ce sont des choses qui vont éventuellement être faites, mais peut-être qu'il était tout simplement beaucoup trop en avance sur son temps. Catherine Ferland, c'était passionnant de vous entendre, historienne, co-auteur avec Dave Corriveau d'un livre à paraître sur Jean Talon. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.